C'est nous, il fait toujours beau, dehors sont tous les oiseaux. Ça et ça, tout sans malice, c'est un monde de délices. Les fleurs sont belles dans le jardin, partout respire leur parfum. Dans ton bocal, le petit poisson se promène dans, dans sa maison. Let's go.